dire que ce micro ouvert que vous allez entendre, en fait, ce n'est pas moi qui l'ai enregistré. Et je remercie Zine TV qui a bien voulu me refiler le son pour le diffuser dans le micro ouvert. Je trouve que c'est bien quoi, de faire ça, d'être à plusieurs sur la même conférence. Donc on peut la diffuser dans plusieurs endroits. Je mettrai d'ailleurs le lien de Zine TV pour regarder ouais, cette conférence parce qu'elle a été filmée aussi. Voilà. Micro ouvert. Bonsoir à toutes et tous. Je vais vous demander tout doucement voilà, de vous installer, d'éteindre vos GSM, en tout cas de les mettre sur silencieux. Un tout grand merci à toutes et tous pour votre présence à cette exposition donc, qui s'intitule Paris, octobre 1961. Ici, on noie les Algériens et à la discussion donc, qui suit ici cette exposition. Alors, il s'agit d'une exposition du collectif Krasny. Elle s'inscrit dans la série Never Forget, dont le but est de mettre en lumière des événements majeurs de l'histoire des peuples qui sont occultés, minimisés par l'histoire officielle. Donc, il y a déjà eu une exposition sur les Black Panthers, par exemple. Aujourd'hui, celle sur le 17 octobre, le massacre du 17 octobre 61. Alors, le photographe de cette exposition, c'est Karim Nigassa, Brixi Nigassa, et les deux dessinateurs, donc Manus Cordia, qui est ici présent, et Thibaut Dramet. Alors, le vernissage de ce soir est aussi l'occasion, évidemment, de pouvoir engager ou poursuivre la réflexion autour de ce massacre occulté qui a été occulté pendant plusieurs dizaines d'années et qui continue encore à faire l'objet d'une occultation politique et historique. Et pour cela, donc, on a le plaisir de recevoir Saïd Bouamama, qui est sociologue militant au Front uni des immigrations et des quartiers populaires. Évidemment Manus Cordia donc, qui est l'un des deux dessinateurs. Alors avant d'engager la discussion, on va d'abord passer un petit audio qui est en fait une lettre lue par Safia Kessas ce matin sur les ondes de la RTBF Les Grenades, qui s'adresse à l'une des victimes de ce terrible massacre. Donc je vous propose d'écouter ça, ça dure un petit peu moins de 4 minutes et puis on commencera la discussion en tant que telle. Dans quel monde on vit ? Sur la première. Chère Fatima Bédard, vous auriez fêté vos 75 ans cette année. Peut-être auriez-vous été entourée par vos enfants ou vos petits-enfants. Peut-être auriez-vous dégusté des zlabia, ces petits gâteaux dorés, sucrés au goût de miel et de cardamone. Vous auriez sans doute entendu le son réconfortant du thé qui s'écoule dans de petits verres déployant ses arômes de menthe ou de clous de girofle. Peut-être auriez-vous raconté à vos petits-enfants comment vous aviez réussi à braver l'interdit et à manifester fièrement pour l'indépendance du peuple algérien à Paris le 17 octobre 1961. Ce matin-là, chère Fatima, vous vous êtes peut-être réveillée un peu plus tôt que d'habitude. À la radio, le tube de Ray Charles vous a peut-être donné la niaque pendant que vous passiez votre brosse dans vos cheveux noirs, nouant machinalement deux tresses. Hit the road, Fatima, ce 17 octobre 1961, armée de votre petit cartable sur le dos, la jeune collégienne que vous êtes a mis ses plus beaux vêtements et défie ses parents qui vous dissuadent d'aller manifester. Des éclats de voix s'échangent, peut-être autour de la table du petit déjeuner. Votre mère a justement prévu de se rendre avec son mari au CIN à la manifestation et souhaite donc que vous gardiez vos frères et sœurs ce soir-là. Vous ne dites plus rien et vous vous rendez au collège. Vous êtes décidé, vous irez, vous battrez le pavé, vous prendrez la route, comme la chanson de Ray Charles, qui vous trotte peut-être toujours dans la tête. Pourquoi devriez-vous avoir peur ? Vous êtes chez vous en France. Vos parents savent, eux, que tout le monde n'y a pas les mêmes droits. Ils savent qu'il y a les Français à part entière et les autres, les Français entièrement à part. C'est d'ailleurs tout le sens de cette manifestation parisienne pour l'indépendance de l'Algérie et contre le couvre-feu imposé par l'État français aux seuls Nord-Africains entre 20h30 et 6h du matin. Le soir venu, vos parents ne vous voient pas rentrer de l'école. Des voisins revenus du rassemblement, eux, parlent déjà d'exactions de la part de la police. Certains rentrent blessés, d'autres ont vu des morts. Pendant deux semaines, 14 jours, 336 heures, d'angoisse, vos parents vous cherchent désespérément dans toute la région parisienne. C'est finalement le 31 octobre que votre corps, décomposé d'adolescente, coincé dans la turbine d'une écluse du canal Saint-Denis, est retrouvé avec votre petit cartable d'écolière sur le dos. Votre père est appelé par le commissariat pour aller vous identifier. Il vous reconnaît grâce à vos longs cheveux noirs et à vos nattes épaisses. La police de Maurice Papon n'a évidemment pas fait d'enquête et a conclu au suicide. Sans scrupule, pour les Français entièrement à part, quel cynisme ! Fatima Bédard, 15 ans, fille d'un tirailleur algérien qui a risqué sa vie pendant la Seconde Guerre mondiale pour la France, est morte tuée par la France. Le Figaro, au lendemain de la manifestation, citant des chiffres de la préfecture de police, titra « 2 morts, 44 blessés graves, 7500 nord-africains arrêtés ». Il faudra attendre des décennies pour découvrir que vous faisiez partie des quelques 200 morts du massacre du 17 octobre 1961. On comptera aussi 2300 blessés, même si les chiffres sont difficiles à établir. Hit the road, chère Fatima. Et en effet, vous n'êtes jamais revenue. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, votre famille boit sans doute le thé à la menthe et déguste des labia dorés en pensant à vous. Je crois qu'elle se fiche des propos récents incendiaires d'Emmanuel Macron sur l'histoire de la colonisation française. Je crois que vos proches attendent aujourd'hui que le 17 octobre soit enfin reconnu comme crime d'État pour qu'on ne vous oublie jamais, chère Fatima. Bien chaleureusement, Safia Kessas. La première. Le samedi de 10h à 11h. Alors je vais commencer par Manu Scordia, donc l'un des dessinateurs de cette exposition. Est-ce que, en guise d'introduction, tu pourrais un peu revenir sur les raisons qui t'ont motivé à t'intéresser à ce massacre, à partir d'ici de la Belgique, et de nous raconter un petit peu la genèse de ce projet d'exposition, comment est-ce que c'est né et qu'est-ce qui l'a motivé ? Ok, bonjour à tous. Et d'abord, merci à tous d'être là. Merci à Saïd Bouamama et à Khadija Senadji d'avoir accepté notre invitation. Voilà, on est ici à ce troisième volet des expositions initiées par le collectif Krasny dans la série Never Forget. Donc effectivement, comme Khadija l'a dit, la démarche, c'est un petit peu effectivement de mettre en lumière à travers ce concept qui est toujours le même, un peu des photos du photographe Karim Rixinigassa, des photos actuelles sur lesquelles en tant que dessinateur, on ressuscite les scènes d'époque et de cette manière, faire revivre des épisodes de l'histoire, mais cette fois-ci du point de vue des dominés et du point de vue des dominés, parce que l'histoire, comme chacun sait, est écrite par les vainqueurs et que du point de vue dominant, il y a des tas d'épisodes majeurs de l'histoire en fait qui sont absolument pas du tout enseignés et que très peu de gens ou alors dans les milieux militants etc connaissent. Et donc dans cette optique là on a fait l'exposition Black Panthers Lives Matter en 2016 à l'occasion des 50 ans de la naissance du Black Panthers Party. Cette année-ci on a fait l'exposition Vive la Commune pour les 150 ans de la Commune de Paris. Et ici, c'est un épisode encore plus méconnu quelque part que parce que la Commune de Paris, je veux dire, a quand même une certaine reconnaissance. Et puis les Black Panthers, dans un certain milieu, on connaît quand même. Mais octobre 61, c'est vraiment un épisode très méconnu de l'histoire des peuples et de l'histoire des répressions des peuples, de l'histoire des répressions coloniales. Et on ne pouvait pas, ici à ces 60 ans, on ne pouvait pas passer à côté, quoi. C'est-à-dire que maintenant, à titre personnel, si tu me demandes pourquoi moi, Pourquoi moi j'ai trouvé important de parler de ça? Ben écoute, d'abord j'ai un parcours. Il y a différentes raisons. J'ai un parcours. Ben, j'ai un parcours militant qui fait que depuis plusieurs années je suis actif sur les questions qui tournent autour du racisme d'État et des questions décoloniales. Et puis par ailleurs, j'ai grandi dans un quartier à Couem dans le Borinage où il y a une certaine proportion de population issue de l'immigration algérienne et ça fait partie de leur histoire, ça fait partie de l'histoire des gens que je côtoie en fait, que j'ai côtoyé depuis que je suis petit quoi. Moi à titre personnel je m'inscris en fait depuis le début dans cette démarche du collectif Krasny, puisque moi-même, à titre personnel, ma démarche en tant qu'artiste, en tant que dessinateur, ça a toujours été aussi d'utiliser le dessin comme un outil politique en fait, comme une manière de sensibiliser à ma façon, de sensibiliser, voire même de mobiliser sur des questions qui me semblent vraiment importantes et pas suffisamment. Et pas suffisamment abordé, pas suffisamment abordé. Merci. Merci. Ah, mais je ne me justifie pas, j'explique ma démarche. Mais de fait, je suis une personne très sensible, merci. D'accord. Ok, merci pour cette intervention qui me touche beaucoup. Je disais donc que voilà, qu'à titre personnel, voilà, j'utilise le dessin comme un outil politique pour sensibiliser et moi personnellement, la thématique centrale dans mon travail, ça a toujours été celle du racisme d'État. Et du fait que le racisme n'est pas uniquement une question une question interpersonnelle ou interindividuelle de gens qui n'aiment pas les autres parce qu'ils sont étrangers, etc., mais qu'il y a le racisme a une dimension systémique, a une dimension structurelle, que la société dans laquelle on vit est structurellement raciste. C'est lié à l'histoire, c'est lié à l'histoire coloniale. On vit dans une société, la société occidentale s'est créée en fait sur une histoire raciste, sur le colonialisme, sur la traite négrière. C'est la société occidentale qui a inventé les races, qui a créé l'idée que la race blanche est supérieure aux autres, etc. Et sur cette base-là, on a assuré la domination occidentale, la domination blanche, la domination impérialiste occidentale qui perdure encore aujourd'hui. L'Occident a toujours, la position économique et politique de l'Occident aujourd'hui sur le monde est toujours liée à cette histoire raciste. Et c'est évidemment pas pour rien que aujourd'hui encore, en Belgique, en France, les Arabes, les Noirs, les populations issues de l'immigration postcoloniale ne sont toujours pas des citoyens à part entière, sont toujours discriminés au logement, à l'emploi, dans leurs relations avec la police, avec la justice, etc., etc. Tout ça est forcément lié à cette histoire qui perdure, au fait que l'Occident a toujours une position dominante et continue de piller, continue de s'ingérer, continue d'asseoir une domination économique et politique sur le reste du monde. Ça c'est le point de vue qui est le mien, et c'est celui que je vais toujours défendre dans mon travail, que ce soit avec Krasny dans l'expo Black Panthers ou dans cette expo-ci ou dans d'autres projets qui ont été les miens, comme la bande dessinée sur Ali Arras. Je vais peut-être pas non plus complètement m'éparpiller, mais voilà, pour en dire deux mots, Ali Arras, c'est un belgo-marocain qui a été incarcéré pendant 12 ans au Maroc alors qu'il était innocent. Il était accusé de terrorisme, mais il était innocent. Il a été incarcéré pendant 12 ans sur base d'aveu obtenu sous la torture dans l'indifférence totale de la Belgique, sous couvert de sa double nationalité, sous couvert qu'il avait la nationalité marocaine. Donc on a vraiment là le racisme d'État dans toute sa splendeur. Il est d'origine, enfin, il a la nationalité marocaine, donc ça ne nous préoccupe pas, ça, on ne s'en occupe pas, ce n'est pas notre problème. Par ailleurs, j'ai aussi collaboré au film d'animation Caoutchouc rouge, rouge coltan, qui retrace toute l'histoire coloniale de la Belgique au Congo jusqu'à nos jours. Et sur base de ce film, dans la région de Mons, on organise maintenant une visite décoloniale de la ville de Mons sur le passé colonial, mais justement toujours avec cette idée, parce que effectivement, et ici aussi, hein, cette exposition, c'est le but n'est pas uniquement de se remémorer le passé et d'être dans la commémoration, dans la mémoire, dans des controverses sur oui, faut-il s'excuser pour les crimes du passé, etc. Enfin, pour moi, il n'y a pas. Pour moi, ces questions-là n'ont pas lieu d'être dans la mesure où on ne s'excuse pas pour un crime qu'on est encore en train de commettre, ou dans la mesure où on s'excuse pour quelque chose, ben, encore faut-il cesser de le commettre. Et pour moi, ce passé colonial, il n'est pas juste passé, c'est toujours présent, il y a un présent colonial. Et si on parle du passé, c'est surtout pour comprendre et pour faire la lumière sur, pour mieux comprendre les mécanismes qui régissent encore la société. La société actuelle. Mais donc maintenant, pour en venir à notre sujet de ce soir, donc le 17 octobre 1961, je vais peut-être juste dans les grandes lignes aborder cet épisode, puis après je vais très vite laisser la parole à Saïd qui va aller beaucoup plus en profondeur. Mais donc on est début des années 60, la guerre d'Algérie bat son plein, le peuple algérien est en pleine guerre de résistance contre le pouvoir colonial français pour acquérir son indépendance. C'est une guerre qui est extrêmement violente, extrêmement meurtrière, très brutale et très c'est une boucherie sans nom en fait. La France commet en Algérie des atrocités innommables. Et le peuple algérien mène la résistance, le FLN, Front de Libération Nationale, mène la résistance, y compris sur le sol français. Donc en France, il y a toute une population d'origine algérienne qui vit en France, qui est cantonnée dans des bidonvilles, qui est discriminée, qui vit déjà la brutalité policière, la violence policière au quotidien, etc. Et en octobre 1961, le commissaire Maurice Papon décide d'instaurer un couvre-feu pour les Algériens, spécifiquement pour les Algériens. Et le FLN décide de ne pas accepter ce couvre-feu et appelle les Algériens de France à s'opposer à ce couvre-feu. D'accord. On en parlera. Monsieur, s'il vous plaît, pas d'intervention intempestive. Il y aura une séance de questions-réponses à la fin des exposés. Et donc, vous aurez la possibilité de poser des questions à ce moment-là. Mais je vous invite vraiment à laisser les intervenants poursuivre et ne pas les interrompre pendant le développement de leur intervention. Merci, Khadija. Je disais donc... Maurice Papon décide donc impose un couvre-feu aux Algériens de France. Le FLN refuse ce couvre-feu et appelle les Algériens à s'opposer à ce couvre-feu. Et donc les habitants des bidonvilles qui entourent Paris, donc les habitants algériens des bidonvilles qui entourent Paris, vont marcher sur Paris pour s'opposer à ce couvre-feu. C'est une marche pacifique, les mots d'ordre sont clairs, pas de violence, on reste pacifique. Mais bien entendu, la police ne va pas l'entendre de cette oreille et très vite, la répression va avoir lieu et ça va être des dizaines de morts. La police française va donc faire des dizaines de morts parmi les manifestants. Et les corps seront jetés dans la Seine. Ça, c'est l'histoire très succincte du 17 octobre 1961. Et je vais maintenant laisser la parole à Saïd Bouamama qui va nous en dire beaucoup plus. Merci beaucoup. Oui, merci Manu. Et donc on aura l'occasion de revenir encore avec les questions. Merci beaucoup du coup pour cette introduction et la mise en contexte de l'exposition. Alors j'en viens maintenant à Saïd Bouamama. Donc toi tu as beaucoup écrit effectivement sur des questions comme l'anti-impérialisme, des questions liées à la question des colonisations, de la colonisation, etc. Donc ici on est vraiment en plein dedans. Et donc, ce qui serait intéressant pour nous, c'est de effectivement rebrosser un peu le contexte plus en détail de l'époque qui a permis ce massacre et qui a permis l'occultation aussi du massacre pendant plusieurs décennies. Et puis, qu'est-ce que ça nous enseigne surtout aujourd'hui, dans nos contextes, ici et maintenant ? Bien, d'abord, je tiens à saluer le fait qu'à Bruxelles, il y a cette initiative, enfin à Saint-Gilles, mais il y a cette initiative. Parce qu'après tout, on pourrait dire, ça se passe en France, en quoi ça nous concerne ? En fait, ça nous concerne. Parce que le 17 octobre nous indique en réalité les effets sur les peuples des pays colonisateurs de la colonisation. Et en ce sens-là, même si c'est en France que ça s'est déroulé, des leçons sont à tirer dans l'ensemble des pays qui ont été colonisateurs. Prendre la mesure du 17 octobre 1961, c'est d'abord rappeler ses principales caractéristiques. Celles-ci suffisent à indiquer l'importance énorme du combat pour que ce massacre soit reconnu comme massacre d'État. Mais comme nous sommes en Belgique, eh bien, la même importance est à accorder au massacre que l'État belge a fait dans d'autres contrées, et en particulier au Congo. Rappelons ces caractéristiques. Je voudrais les résumer en 4 points. Un massacre d'État, non pas de plusieurs dizaines, mais de plusieurs centaines d'Algériens. C'est aujourd'hui documenté et prouvé. Des rafles massives aux faciès, mobilisant les autobus de la RATP. Donc, tout le réseau d'autobus publics de Paris est mobilisé pour ces rafles aux faciès. Plus de 13 000 personnes sont raflées. Une occultation massive gouvernementale, puisque officiellement, au lendemain du 17 octobre, on annonce 2 morts, simplement. Mais, et quatrième élément, une occultation massive à gauche, après les premières déclarations dénonçant les violences policières de manière générale, le silence de plomb retombe jusqu'aux années 80 et 90, où il a fallu des militants, eux-mêmes issus de l'immigration, dont les parents étaient ceux qui avaient manifesté, pour que cette question revienne à l'ordre du jour. Ces 4 caractéristiques suffisent à faire du 17 octobre 61 un analyseur, non pas simplement de la violence de l'État français, non pas simplement de la décolonisation française, mais un analyseur des effets de la colonisation sur les pays qui ont été colonisateurs. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre l'importance des commémorations, parce que malheureusement, ça agit encore dans le présent. Je vous propose, pour explorer cette question, d'en rappeler le contexte, de rappeler l'avant 17 octobre 61, le pendant et l'après, avant d'en tirer quelques conclusions sur ce qui reste de cette séquence jusqu'à aujourd'hui dans le fonctionnement actuel de nos sociétés françaises, mais belges également, plus largement de toutes les sociétés qui ont été colonisatrices. Alors le contexte. On est en 61. Nous sommes dans un contexte du passage du colonialisme au néocolonialisme. Pour bien saisir l'enjeu de cette période-là, il faut avoir en tête le séisme qu'a constitué la Seconde Guerre mondiale. Du côté des dominants comme des dominés, la Seconde Guerre mondiale, la victoire contre le nazisme, est venue bousculer l'ensemble des rapports de force. L'après-Seconde Guerre mondiale se caractérise par un réveil des peuples colonisés. Ces peuples n'ont bien entendu jamais cessé leur résistance, depuis la première capture d'esclaves jusqu'à aujourd'hui. Mais là, il a fallu une rencontre entre ces résistances et un nouveau contexte historique pour que s'accélère l'histoire. La Seconde Guerre mondiale ne crée donc pas la résistance contre l'esclavage et la colonisation, mais accélère l'offensive de ces résistances. Du côté des peuples colonisés, la Seconde Guerre mondiale, c'est la fin du mythe de l'invincibilité de l'homme blanc. C'est le déploiement par les puissances coloniales d'un discours en termes de lutte contre l'occupation. Ceux qui colonisaient viennent tenir le même discours contre Hitler que ce que reprochaient les militants indépendantistes. Donc on a un discours contre l'oppression, un discours sur la nécessité de la lutte de libération nationale, un discours sur le droit de prendre les armes contre l'occupant, un discours qui dénonce le racisme nazi, un discours contre la hiérarchisation de l'humanité en supérieur et inférieur. Les peuples colonisés entendent cela et se disent « mais ça nous concerne aussi, c'est exactement ce que nous subissons ». Du côté des États colonisateurs, à part l'Angleterre, nous avons un affaiblissement de tous les États colonisateurs. Tout simplement parce que leurs classes dominantes ont massivement collaboré avec les nazis. Les classes dominantes de Belgique, de France, etc. ont collaboré avec les nazis. Du côté des rapports de force mondiaux, c'est le prestige d'abord pour l'URSS, qui a supporté le poids essentiel du combat anti-nazi, et pour les USA, qui n'ont pas connu la guerre sur leur propre territoire. Ces deux puissances, pour des raisons différentes, vont développer un discours anticolonial. L'URSS, pour des raisons idéologiques liées à son discours sur la Révolution mondiale, et les USA, tout simplement parce qu'ils lorgnent vers les colonies de leurs concurrents, puisqu'ils n'ont pas eux-mêmes de colonies. Quelle va être la réaction des anciennes puissances coloniales ? Rétablir à tout prix l'Empire. La préoccupation de De Gaulle en 1945, c'est de rétablir à tout prix l'Empire, quel que soit le coût, quelles que soient les méthodes. La conférence de Brazzaville en 1944 que réunit De Gaulle est très explicite là-dessus. La conclusion de cette conférence, qui est censée normalement apporter en quoi le combat anti-nazi va changer le rapport entre métropole et colonie, conclut au fait que l'idée d'une autonomie, je ne parle même pas d'indépendance, est inimaginable même à long terme. C'est la conclusion officielle. Pas compris. Les conséquences vont être très précises. Guerre du Vietnam pour la France, guerre d'Indonésie pour les Pays-Bas, massacre du 8 mai 45, massacre de Madagascar, encore plus important que celui du 8 mai 45, 100 000 morts dont on ne parle pas du tout. Autrement dit, quel que soit le prix, la préoccupation des anciennes puissances coloniales, c'est de rétablir leur empire. Ces violences massives, inouïes, sont d'autant plus fortes que les peuples colonisés accélèrent leur mobilisation pour leur indépendance. Proclamation des indépendances après le départ des troupes japonaises en Indonésie et au Vietnam, et guerre de reconquête française, mais surtout, victoire des Vietnamiens à Dien Bien Phu, qui va être un espoir pour l'ensemble des peuples colonisés. On est en 54. Immédiatement après surgit Bandung, les pays indépendants d'Asie se disant solidaires des pays encore colonisés, puis la nationalisation du canal de Suez en 56, avec les armées françaises, anglaises et israéliennes qui vont agresser l'Égypte et vont être contraintes de se retirer. Nous sommes dans cette période-là. Monsieur, s'il vous plaît, un peu de respect pour les intervenants, s'il vous plaît, monsieur. Nous sommes dans cette période-là. Est-ce que tu peux laisser l'espace de liberté, s'il te plaît ? Oui, mais là, tu es en train de la dose de liberté, d'accord ? Nous, on a envie d'écouter. Est-ce que tu peux laisser l'espace de liberté, s'il te plaît ? Nous sommes dans cette période-là. Et ces dimensions-là sont essentielles pour comprendre pourquoi le 17 octobre 1961 n'est pas le fait d'un seul papon, n'est pas le résultat d'une non-préparation ou d'une surprise des forces de l'ordre par rapport à des violences des Algériens, mais le résultat d'un choix stratégique conscient. Dans ce contexte global, quelle va être la réaction spécifique du colonialisme français, qui est un des pays les plus décrédibilisés en 1945, puisque c'est un des pays dans lequel la classe dominante a le plus collaboré, je vous rappelle, plutôt Hitler que le Front populaire, c'est le slogan des entrepreneurs français en 1936, et qui ont donc collaboré entièrement avec les nazis. La première réaction, ça va être, après Diem Nfo, lâcher l'Asie pour garder l'Afrique. Et effectivement, les indépendances des pays asiatiques colonisés par la France vont être faites dans l'idée qu'au moins on va préserver notre empire africain. Puis, comme la dynamique indépendantiste se développe en Afrique, ça va être lâcher l'Afrique subsaharienne pour garder l'Algérie, en raison de deux éléments. D'abord, les nouvelles découvertes pétrolières dans le Sahara, et deuxièmement, et surtout, les essais nucléaires au sein du Sahara, qui sont pour De Gaulle un élément essentiel, parce que pour lui, si la France n'est pas une puissance nucléaire, eh bien, elle devient une puissance secondaire. Ça, c'est pour l'Algérie. Pour les autres pays, ben, c'est anticiper les indépendances pour les corseter. Autrement dit, on va accélérer l'idée d'indépendance, mais en mettant à la tête de ces indépendances des gens qu'on a choisis et en les corsetant dans des accords qui les amènent à avoir officiellement un drapeau et un hymne national, mais en réalité à être dépendants de Paris. Après 4 ans de guerre d'Algérie, force est de constater que cette stratégie n'est pas viable. On a beau abandonner l'Asie, on a beau abandonner l'Afrique subsaharienne, le peuple algérien ne cède pas. L'anéantissement militaire du FLN est impossible. Celui-ci est reconnu par l'immense majorité du peuple algérien. C'est ça le contexte du 1761. Et de plus en plus, il est reconnu au niveau international. Des négociations s'ouvrent dès 57 pour éviter de tout perdre et dans l'espoir de reproduire en Algérie le scénario rodé pour l'Afrique subsaharienne, autrement dit un scénario dans lequel on met un pouvoir fantoche qui accepte la dépendance vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Mais un tel scénario n'est possible qu'à 3 conditions. Première condition, affaiblir le FLN, d'où le paradoxe d'une accélération de la guerre au moment même où on commence les discussions, où on accepte l'idée d'indépendance. Deuxièmement, promouvoir une troisième force qui viendrait remplacer le FLN. Une force qui n'est ni celle de l'État français, ni le FLN. Et donc on met en avant plusieurs idées, une force qui serait modérée dans l'accès à l'indépendance et tenter de l'imposer dans les négociations. Et puis, troisième condition, préserver l'essentiel, c'est-à-dire le Sahara, d'où le projet de l'époque jusqu'en 59. On pense encore sérieusement à Paris, négocier une indépendance de l'Algérie sans le Sahara. Et on met en avant l'idée de produire un nouvel État, le Sahélistan, qui regrouperait, je vous le dis parce que ça a fait des échos par rapport à des enjeux d'aujourd'hui, qui regrouperait le nord du Mali et le sud algérien. Comment ne pas penser à cela quand on voit les stratégies aujourd'hui militaires françaises au Sahel? La conclusion que je tirerai de tout cela, c'est que le 17 octobre 1961 s'inscrit dans ce contexte global et ne peut pas être considéré comme un événement à part. Il n'est pas le résultat des actes du seul sinistre Papon, préfet de police, mais la conséquence délibérée d'une réelle politique visant à préserver les intérêts des grands groupes industriels et financiers français. Seconde dimension de mon exposé, on en était où avant le 17 octobre? Le contexte général décrit ci-dessus fait de l'immigration algérienne un enjeu de taille pour au moins 3 raisons. D'abord, du fait de son nombre. le capitalisme français a eu besoin d'un appel massif à l'immigration algérienne. Ensuite, de par son soutien massif à l'idée d'indépendance et au FLN, près de 70% du financement du Front de Libération Nationale vient des cotisations de manœuvres, d'OS, de gens qui touchaient des salaires de misère, mais qui se sont sacrifiés sur cette idée d'indépendance. Enfin, troisièmement, la participation de cette immigration à la lutte armée, ce que tu as souligné tout à l'heure, il y avait un front ici en France, j'y reviendrai juste après. Depuis 1958, pardon ? Mais pas de lutte armée, il y avait des soutiens. Mais depuis 1958, le FLN avait en effet décidé d'ouvrir un second front en France pour soulager les maquis en Algérie, avec l'objectif de maintenir le maximum de militaires français dans la métropole, parce que ces militaires envoyés en Algérie, c'était des dizaines, des centaines, des milliers de morts. Au moment où De Gaulle veut arriver aux négociations en situation de force, il lui faut mater les immigrés algériens. S'il veut s'asseoir à la même table de négociation que le FLN, il veut y arriver en situation de rapport de force. Les années qui précèdent le 17 octobre 61, et plus particulièrement les derniers mois, se caractérisent en France par la banalisation des contrôles aux faciès, par la massification des violences policières contre les Algériens, par la multiplication des arrestations arbitraires de militants indépendantistes, par la torture dans les commissariats de police. Les statistiques officielles de la préfecture de police, j'ai pris que celle-là, on aurait pu prendre celle des hôpitaux, qui sont encore plus importantes. Donc j'ai pris celles les plus basses de la préfecture de police, indiquent par exemple, pour l'année 61, je m'arrête à celle-là, 16 morts algériens en janvier, 16 en février, 18 en mars, 25 en avril, 20 en mai, 41 en septembre. Et là, nous ne parlons que des militants. C'est dans ce contexte que le préfet Papon décide d'imposer le couvre-feu raciste. Il est raciste parce qu'il ne s'impose qu'aux Algériens. Manu l'a souligné, la riposte du FLN et l'appel à manifester le 17 octobre 61 pacifiquement et les mobilisations dans les bidonvilles précisées en habit du dimanche et en famille. L'enjeu pour le FLN est très simple. Dans le rapport de force des négociations, il est de démontrer le soutien de l'immigration à l'indépendance, d'une part, et de démontrer que le FLN est reconnu comme représentant de cette indépendance par l'immigration, d'autre part. La manifestation du 7 octobre 1961 doit prendre pour le FLN la même signification que les journées de décembre 60 en Algérie, après la bataille d'Alger. Qu'est-ce que c'est que les manifestations de décembre 60 ? Jusqu'à décembre 60, l'État français a continué à dire à l'ONU, quand l'ONU interpellait le gouvernement français sur la décolonisation de l'Algérie, il disait « c'est un problème intérieur, le peuple algérien ne veut pas l'indépendance ». En Algérie, l'armée française avait mis le paquet, c'était la bataille d'Alger, on avait détruit l'essentiel des réseaux FLN. Militairement, l'armée française avait quasiment gagné. Et la classe dominante en France était persuadée, le gouvernement était persuadé que ça y est, on avait cassé les reins de la revendication indépendantiste. Et que s'est-il passé à ce moment-là ? Eh bien, quelque chose d'inattendu, d'inédit, en décembre 1960, l'ensemble du peuple algérien descend dans la rue, brave la répression. Ce sont des centaines de milliers, des millions d'Algériens qui descendent dans la rue. Le FLN lui-même est surpris. En gros, le peuple qui n'est pas organisé forcément prend le relais du FLN qui est militairement affaibli. Et là, au niveau international, la France est complètement isolée. Et elle est contrainte de reconnaître la légitimité. Elle continue à mégoter sur comment y arriver, la légitimité de l'indépendance. Autrement dit, j'en tirerai la conclusion, le 17 octobre 61 n'éclate pas dans un ciel serein comme un événement imprévisible. Il s'inscrit dans une séquence de violences policières à des fins de préparation des négociations dans un rapport de force favorable à la France. C'est ça qui est visé. Abordons maintenant la question de la journée en tant que telle, le 17 octobre 61. Le 17 octobre, c'est d'abord des policiers tirant sur une foule désarmée. Le fait qu'aucun policier n'ait été blessé, je ne parle même pas de tuer, aucun policier n'a été blessé, prouve que la décision de tirer sur la foule a été délibérée et non motivée par un danger. On ne connaît aucun exemple, par ailleurs, dans lequel il n'y a aucun blessé avec autant de décès. L'image de policiers tirant sur des manifestants ne suffit pourtant pas à résumer le massacre qui se déroule dans les rues de Paris. Les manifestants sont pourchassés, poursuivis, traqués pour être tués. Il y avait donc des directives pour tuer. La fréquence de la pratique consistant à jeter dans la Seine des manifestants criant qu'ils ne savent pas nager témoigne de la volonté de fignoler le travail. De nombreux riverains aident les policiers en indiquant où sont cachés les manifestants. Les rafles massives indiquent que tout était prêt. Les bus de la RATP étaient réquisitionnés. Les camps de regroupement étaient préparés pour des milliers de personnes. Le déroulement du massacre, ça sera ma conclusion, souligne que son caractère préparé est prémédité. Une telle préparation n'est pas pensable sans l'accord du plus haut sommet de l'État. C'est pour cela que, imputé au seul Papon, le massacre est un mensonge scandaleux. C'est tout l'enjeu d'aujourd'hui, où la mobilisation militante a obligé à parler de cette loi 61 et où la réaction à cela, c'est d'imputer au seul Papon pour qu'on n'aille pas regarder l'ensemble des responsables. Mais le pendant n'est pas suffisant. Il y a un après 1761 qui est porteur de leçons énormes pour l'ensemble des anciens pays colonisateurs. La radio et la télé, bien sûr, restent silencieux sur le massacre. Nous sommes encore dans une radio d'État à l'époque. La presse du lendemain est censurée et ne diffuse par conséquent que la version officielle. Après la levée de la censure, plusieurs journaux vont documenter les violences policières, mais sans jamais en souligner l'ampleur, d'une part, et leur caractère prémédité et planifié, d'autre part. Aucune manifestation de protestation n'est appelée par les grands partis de gauche et les syndicats. Seul le PSU et la CGT de Gennevilliers appellent à réagir, et cela ne réunira que quelques dizaines de personnes. Et puis, dernier fait, enfin, quelques mois après, le 17 octobre 61, en février 62, a lieu un autre épisode de violence policière contre les manifestants appelés par la CGT et le PCF contre les violences de l'OAS, où il y aura 8 morts par les forces de police. Et chaque année, on commémorera pendant des décennies les 8 morts de février 62, en oubliant les plus de 300 morts d'octobre 61. Il y a donc dans la mémoire une substitution de la violence de 61 et il ne reste que celle de 62. Autrement dit, au scandale du massacre s'ajoute le scandale sur le silence sur le massacre. Il faudra attendre la décennie 80 et la mobilisation des enfants de ces immigrés qui ont manifesté en 61 pour que le silence soit brisé. La peur de choquer une opinion publique largement raciste pousse au silence les démocrates, les syndicats et une grande partie de la gauche. Alors, quelles leçons tirer de tout cela pour le présent ? Fanon nous apprenait, Frantz Fanon, un grand auteur qu'il faut relire absolument aujourd'hui, nous apprenait que la colonisation n'avait pas fait que des dégâts sur les peuples des pays colonisés, qu'elle faisait des dégâts sur les peuples des pays colonisateurs. Autrement dit, pour justifier la colonisation et l'esclavage avant elle, pour l'autoriser, il faut diffuser un sentiment d'infériorité chez les peuples des pays esclavagisés ou colonisés, et surtout un sentiment de supériorité auprès des peuples des pays colonisateurs. Ce sentiment de supériorité, diffusé pendant près de 4 siècles, a produit l'idée que l'autre n'est pas un humain comme moi. Et il y a donc des racines profondes au racisme de nos sociétés qui sont des héritages historiques et non pas des traits de l'être humain. La montée du racisme contemporain indique que l'on ne parle pas simplement du passé, mais également du présent. Agir pour que la lumière soit faite sur le crime d'État souligne tout simplement que nous sommes conscients aujourd'hui des racines du racisme contemporain. Ça n'est pas une question du passé, mais une nécessité du présent. Merci. Un tout grand merci, Saïd. Alors, avant de donner la parole à proprement parler à l'auditoire, je vais me permettre peut-être de revenir sur certains éléments de ton intervention pour approfondir certains points. Donc, on a bien compris effectivement qu'au-delà de la figure de Maurice Papon, qu'il est facile d'imputer vu son passé vichiste, son passé colonial en France, c'était le coupable tout trouvé finalement, mais que vu l'ampleur du massacre, vu le silence qui l'a entouré pendant si longtemps, il était impossible que le sommet de l'État lui-même ne soit pas effectivement impliqué. Mais ce que tu as montré aussi, ou ce que tu as évoqué, c'est que la classe politique d'opposition elle-même, en fait, a, par son silence, permis de couvrir ce massacre. On pense notamment à la gauche de la SFIO, les socialistes de l'époque, ce qui représente d'une certaine façon en fait une trahison en fait de la gauche par rapport aux colonisés. Et moi j'aimerais bien donc du coup qu'on revienne brièvement là-dessus puisque c'est aussi une question d'actualité finalement, le rapport de la gauche aux descendants des populations des immigrations postcoloniales et des trahisons de cette gauche finalement qui permet de faire perdurer ce rapport colonial aujourd'hui. Alors, c'est une question de fond. J'ai 3 heures pour. Mais c'est véritablement une question de fond. Et il faut qu'on s'entende sur ce qu'on met dans le terme gauche, en réalité. Nous avons toute une série d'organisations ou de partis qui se proclament de gauche et qui ont été, dès le début de la conquête, sur une optique qui est une optique. De conciliation avec la colonisation. Autrement dit, il y a eu très peu de résistance anticoloniale au moment de la conquête, donc au moment où l'Afrique est envahie. Le discours de l'époque est celui d'opposer un colonialisme violent à un colonialisme civilisateur. Et une grande partie de la gauche dit « Nous critiquons le colonialisme pour ses méthodes ». Si nous étions, nous, au pouvoir, nous aurions colonisé, donc, mais autrement. C'est tout simplement oublier ce qu'est le colonialisme. Le colonialisme, par définition, ne se comprend pas sans sa base économique. Le colonialisme, c'est le besoin de ressources, de matières premières et de main-d'œuvre que l'on peut exploiter à merci. Autrement dit, ce discours sur le colonialisme civilisateur masque la réalité d'un colonialisme spoliateur, un point c'est tout. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui n'est pas classé entièrement à droite, Jules Ferry, qui le théorise en disant pour que les peuples supérieurs, déclaration de deux têtes, hein, je n'ai pas la phrase exacte, mais vous pouvez la retrouver en particulier dans mes ouvrages, je la recite souvent, les peuples supérieurs ont un devoir de civilisation vis-à-vis des peuples inférieurs. Au moment des indépendances, les choses sont un peu différentes. Les choses sont un peu différentes parce que il y a eu depuis des mouvements d'idées. Il y a eu la révolution bolchevique qui a affirmé le droit des peuples à l'indépendance et à l'autodétermination. Il y a eu les mouvements de libération nationale qui ont affirmé cela, etc. Donc la gauche ne peut plus dire exactement la même chose. En réalité, une grande partie des positions de la gauche sont fonction de leur électoralisme. Pour être élu on est prêt à n'importe quoi. Et ça, c'est un des drames qui dure jusqu'à aujourd'hui. C'est un des drames qui dure jusqu'à aujourd'hui. Comment être élu dans les années 60 avec des peuples qui ont été modelés, formatés par le discours raciste, colonial, etc. Plutôt que de s'opposer à ce discours raciste et colonial, on va bien entendu non pas approuver la répression, mais on va se taire. Position de soi-disant juste milieu. Le problème, c'est que cela reproduit l'héritage colonial jusqu'à aujourd'hui. Tant que nous n'aurons pas une gauche capable dans nos pays de dire « nous devons décoloniser les esprits », ce qui nous a été appris pendant 2 siècles, c'est du mensonge lié à l'idéologie dominante. Nous avons fait des massacres. Tant que cela ne sera pas clair, et c'est toujours pas clair aujourd'hui, c'est toujours pas clair. Écoutez ce qui se dit sur le 17 octobre 61 aujourd'hui. On a des condamnations des violences, mais la mesure de cela, c'est un massacre d'État conscient, délibéré, choisi. On n'en est pas là à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, cette gauche à l'époque, par peur de remplir sa mission historique, à mon sens, qui est justement de ne pas avoir peur de perdre immédiatement telle ou telle élection pour gagner à long terme une cohérence qui lui permettra justement de grandir, eh bien cette gauche, elle a été amenée à se taire au moment de 7 octobre 61. Bien sûr qu'elle n'était pas naïve. En France, elle savait ce qui s'était passé. D'ailleurs, dès qu'elle a pu, en février 62, quand des militants français se sont fait tuer, elle a réenclenché un discours anticolonial. Mais elle n'a pas osé affronter l'opinion publique. Or, c'est en affrontant l'opinion publique aussi qu'on l'éduque et qu'on l'aide à grandir. Il n'y a rien de pire que d'être démagogue vis-à-vis de l'opinion publique, parce que c'est de l'amener à reproduire justement ce que la classe dominante lui a mis dans la tête. Or, cette classe dominante, elle nous a appris dans nos manuels scolaires, dans nos chansons, dans nos blagues, dans nos spectacles, dans les eaux coloniaux. Et vous croyez que ça va disparaître en l'espace de quelques années? Tout l'imaginaire collectif européen, je dis européen parce que là, ce n'est pas que la France, hein, vis-à-vis de la Belgique, on a la même chose. Lisez Tatin au Congo, et ça n'est que l'exemple le plus visible. Tout l'imaginaire collectif est marqué par cette idée d'une hiérarchisation de l'humanité et par cette idée d'une supériorité. Et donc, si ça ne s'est pas combattu, s'il n'y a pas décolonisation ici, pas là-bas, là-bas elle est acquise, les peuples se sont révoltés, décolonisation ici des imaginaires, eh bien le racisme se reproduira et la gauche n'a pas osé affronter ça. En tout cas, elle était dans cette optique qui est de dire « je vais critiquer, mais sans aller jusqu'au bout ». Donc on a eu effectivement une condamnation de la violence, mais sans dire que c'était 300 morts, sans dire que les formes que ça avait prises, sans dire l'enjeu qu'il y avait derrière, etc. Et le peuple français ne pouvait bien entendu pas mesurer les enjeux puisqu'on ne lui disait pas la réalité. Je vais me permettre de poser encore l'une ou l'autre question. Donc il y a la question effectivement de la gauche, il y a la question de cet imaginaire colonial racial finalement qui imprègne un peu l'ensemble des sociétés colonisatrices et qui crée une forme d'insensibilité finalement au sort des colonisés, voire même des pratiques en fait de collaboration active, de délation, etc., comme on l'a vu en octobre 61, mais comme on l'a vu aussi lors de d'autres épisodes. Et ça, c'est quelque chose qui peut expliquer aussi la persistance, finalement, de pratiques, notamment de répression, puisqu'on est aveugle, on est insensible à ce qui ne nous touche pas et ce qui touche finalement ces colonisés ou ces descendants de colonisés. Et c'est ce qui se joue, il me semble aussi aujourd'hui, d'une certaine façon, à l'égard des réfugiés, des sans-papiers qui subissent des répressions extrêmement violentes, des rafles, régulièrement dans les rues de nos métropoles, etc. Et donc, voilà, j'aimerais bien aussi te faire réagir et peut-être faire réagir aussi Manu là-dessus, puisque j'imagine que c'est une réalité en France, elle est également en Belgique, même si évidemment on a des mouvements de solidarité, hein, avec, mais ce ne sont pas des mouvements d'ampleur qui permettent à un moment donné de renverser le rapport de force pour une reconnaissance de ces populations réfugiées, sans papiers, etc. Voilà. Bien, je voudrais faire un petit pas de côté pour répondre à votre question, qui est la question des origines du racisme. Le racisme, contrairement à ce qui nous est dit encore aujourd'hui de manière dominante dans les médias, n'est pas une malédiction de l'humanité. Ça n'est pas quelque chose qui a toujours existé depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Affirmer cela, c'est mélanger des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. On va par exemple mélanger la xénophobie avec le racisme, même s'ils ont des liens, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. On va mélanger l'ethnocentrisme avec le racisme, même s'il y a des liens, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ou le communautarisme, etc. En réalité, le racisme, il est datable. La théorisation d'une hiérarchisation de l'humanité entre des races inférieures et des races supérieures se date de quand ? De 1492, de l'arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques, au moment où on avait besoin de justifier les violences énormes qui vont être commises par rapport aux Indiens. C'est là le moment d'apparition des premières théorisations racistes qui vont se développer. Si je dis cela, c'est justement pour nous intéresser au fait que, après la destruction des indigènes des Amériques, le besoin de main-d'œuvre va amener l'esclavage. Et après, le besoin de minerais, de matériaux, etc., va amener la colonisation. Et la théorisation raciste va accompagner tout ce mouvement-là. Mais elle l'accompagne pour qui ? Pas pour les colonisés. Elle l'accompagne pour les peuples des pays colonisateurs. Il faut faire accepter à ces pays, à ces peuples des pays colonisateurs, qu'on va aller massacrer en leur nom, qu'on va tuer des femmes, des bébés, des enfants, des innocents en leur nom, et que c'est pour le bien de ces indigènes qu'on y va. Et donc la théorisation raciste va naître comme besoin pour éviter que les peuples d'ici disent « Mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas ?» Et pour cela, il faut diffuser le racisme comme vision du monde. Et trois siècles de cela, quatre siècles de cela, eh bien, laissent inévitablement des images, des représentations, des réflexes, des manières de théoriser, de penser une question qui renvoient à cela. Qu'est-ce que nous vivons avec les aujourd'hui sur le racisme contemporain ? Le retour de ces images. Le retour de ces images. En réalité, l'image de l'indigène dangereux, mais c'est ce qu'on entend sur les terroristes, tous les maghrébins sont des terroristes. L'image de l'indigène fourbe, c'est ce qu'on entend sur, mais ils ne sont pas tout à fait intégrés, alors qu'ils sont là depuis X générations, mais est-ce qu'ils ont vraiment accepté, est-ce qu'un musulman peut vraiment accepter la laïcité, la république, etc. On voit bien la permanence de ces images-là. Donc le racisme colonial, tant qu'il n'a pas été déconstruit, détruit par un travail d'éducation, par un travail de positionnement, eh bien il perdure. Les représentations sociales sont longues à forger, mais ne disparaissent jamais tout seules. Elles disparaissent par une volonté politique de les déconstruire. Or, au moment des indépendances, on a considéré qu'il n'y avait rien à faire. Y a-t-il eu un programme massif en Belgique sur ce qu'on a fait au Congo ? Non. Y a-t-il eu en France un travail massif sur ce qu'on a fait en Algérie ? Non. On a considéré que ça allait, soi-disant, disparaître tout seul. Ça n'a pas disparu tout seul. 5-6 ans après, l'extrême droite se réempare des mêmes thèmes en Belgique comme en France et reconnaît une nouvelle jeunesse, alors qu'elle était affaiblie depuis 1945, puisqu'elle était trop liée au nazisme. Elle retrouve une nouvelle jeunesse sur quoi ? Sur la reproduction de tout l'imaginaire colonial, de toutes les représentations des indigènes, l'arabe voleur, l'arabe violent, le noir fourbe, etc. Autrement dit, il n'y aura pas de progrès dans cette société, il n'y aura pas d'abolition du fascisme et du racisme tant qu'on n'aura pas décolonisé les esprits. Nous sommes encore les enfants de la colonisation. Oui, Manu.